Une ombre sous le soleil s'élargit au fur et à mesure qu'on voit pointer les oreilles d'un pouvoir, d'une dictature. Ça dure depuis l'éternité, mais tant pis, mais tout le monde s'en fout. Toi tu penses devant ta télé, heureusement qu'on n'a pas ça chez nous. Pourtant on l'a répété, pourtant on l'a condamné. Toi t'as pour autant t'oublier qu'on a tous le droit d'exister. Passer des vacances au soleil et glander sous les bananiers. Fumer les cigares à Fidel, le soir bouger salsa reggae. Visite qui déborde de mer dans un bel autobus blindé. Tout autour quelques militaires que tu peux très vite oublier. Pourtant on l'a répété, pourtant on l'a condamné. Doit-on pour autant t'oublier qu'on a tous le droit d'exister. On te parle richesse et beauté quand tu vois misère et violence. Lequel des deux croire sans regret, surtout sans gâcher tes vacances. En tant que complice de ces vauriens, les touristes sont des assassins. T'imagines, mauvaise influence, arriverait la même chose en France. Pourtant on l'a répété, pourtant on l'a condamné. Doit-on pour autant t'oublier qu'on a tous le droit d'exister. Juste un mot pour l'an prochain, sans jouer les bons samaritains. Si tu pouvais t'éviter de remplacer Cuba par Disney. Par Disney.